Et je voudrais revenir sur ces deux grands récits. Le premier, c'est le récit d'invention de l'ethnobotanique, retrace le développement de la botanique et de l'agronomie dans le contexte colonial et l'intérêt grandissant durant la première moitié du XXe siècle des agents coloniaux comme des savants pour les savoirs locaux sur les végétaux. Et en particulier, il y a une focalisation qui est faite sur ce qu'on appelle alors les plantes tropicales utiles ou également ce qu'on appelle les plantes coloniales, c'est à peu près synonyme.